être loin d'ici si j'avais des ailes. Mes frères et moi dans les airs près de l'éternel. Planer auprès du soleil, mettre son esprit sur veille. Croyez-moi que la vie ne sera plus pareille. Je voudrais être loin d'ici si j'avais des ailes. Mes frères et moi dans les airs près de l'éternel. Planer auprès du soleil, mettre son esprit sur veille. Croyez-moi que la vie ne sera plus pareille. Avoir des ailes pour voler, pouvoir tout décrypter, toutes ces choses codées, survoler mes mauvaises pensées. Les gens me reprochent d'avoir une écorce, de ne pas être assez proche de mes proches. Mais quand t'as perdu ta mère à l'âge de 15 ans, l'insensibilité tu la payes, cache contenté. Stabilisé au niveau familial, l'habilité j'ai appris avec des cannibales. J'oppose un veto, fait de vivre dans un ghetto trop chaud. Finir super-héros derrière les barreaux, j'espère m'envoler comme un oiseau là-haut tout haut. Que mon fils n'ait point un fardon sur son dos. Une des choses que la rue elle-même a appris, c'est que le macadam a force autodétruit. Voilà pourquoi j'espère que grâce à ma mentalité, ma vitalité, je m'envolerai comme un phénix. Je voudrais être loin d'ici si j'avais des ailes. Mes frères et moi dans les airs près de l'éternel. Planer auprès du soleil, mettre son esprit sur veille. Croyez-moi que la vie ne sera plus pareille. Je voudrais être loin d'ici si j'avais des ailes. Mes frères et moi dans les airs près de l'éternel. Planer auprès du soleil, mettre son esprit sur veille. Croyez-moi que la vie ne sera plus pareille. Au vent, je ne tourne pas le dos, ce n'est pas un sketch. Je décide de prendre les mots de vitesse. Mise gaffe à ton catch. Les pieds collés au sol, j'aimerais prendre mon envol. J'étudie tous les aspects de la vie depuis que j'ai stoppé l'école. Comme un oiseau qui s'envole, non pas comme un pigeon. J'ai accès sur tout ce qui se passe dehors ou même en prison. Je continue mes délires tchétan et autres sortes de pirouettes. Sur la voiture de l'arnaud, je balance des crottes de mouettes. Comme un oiseau qui s'envole, mes désirs s'accroît. Mettre propre ma MIFA MA3 en forme de croix. Gagner le jackpot comme au casino. Un harem pour chacun de mes potes, de la maille en l'eau. C'est trop pour certains, et pas assez pour d'autres. J'prends mon courage à deux mains pour que demain ce soit un autre. Jouant du micro, je veux que tout le hip-hop décolle pour fuir comme un oiseau qui s'envole. Je voudrais être loin d'ici si j'avais des ailes. Mes frères et moi dans les airs près de l'éternel. Planer auprès du soleil, mettre son esprit sur veille. Croyez-moi que la vie ne sera plus pareille. Je voudrais être loin d'ici si j'avais des ailes. Mes frères et moi dans les airs près de l'éternel. Planer auprès du soleil, mettre son esprit sur veille. Croyez-moi que la vie ne sera plus pareille. J'évoque ce qui choque les mecs de mon bloc. Débloque toi de balles provoque, c'est ta tandem de choc. J'évoque ce qui choque les mecs de mon bloc. Débloque toi de balles provoque, c'est ta tandem de choc.